Blanche de Boileau ou la Vendéenne, par Alexandre Dumas. Il existe au sein de la France une contrée qui diffère tellement des autres par les mœurs et le langage qu'elle semble étrangère au pays qui la voisine. Le sol même participe à ce caractère de singularité. Il n'offre point ces plaines immenses et fertiles que présentent la Beauce et la Brie. On n'y retrouve ni les sites pittoresques et montagneux de l'Auvergne, ni les riches et riants coteaux de la Champagne et du Dauphiné. Et l'œil cherche en vain, pour s'y reposer, ces bosquets délicieux de citronniers sauvages et d'orangers en fleurs, dont les suaves émanations parfument l'air du midi de la Provence. Le pays du Bocage, plus communément connu sous le nom de Vendée, depuis qu'il est devenu le théâtre de la guerre de la Révolution, est semé de bouquets de bois coupés par une multitude de petits champs dont chacun forme un enclos de haies vives. Peu fertile en grains, le terrain y est couvert d'arpents entiers, d'ajoncs épineux et de genêts gigantesques. Vu du sommet de l'une des petites éminences qui la dominent, la contrée présente l'aspect d'une nappe verdoyante semée çà et là de carrés de blé et de seigle, dont leurs mobiles s'inclinent, se redressent tour à tour dans la direction qu'il plaît au vent de leur imposer, et de distance en distance, on distingue à travers les arbres le toit rougeâtre d'une métairie, ou au-dessus de leur cime mouvante, la flèche aiguë d'un clocher. Une seule grande route traverse ce pays. Les autres moyens de communication sont des chemins de traverse, tantôt taillés dans le roc, tantôt bordés de deux haies, dont souvent les branches se joignent au-dessus de la tête des voyageurs et forment un berceau de verdure qui, pendant l'été, les met à l'abri des rayons du soleil. En hiver, ces chemins deviennent bourbeux et presque impraticables, surtout s'ils suivent le pied d'une colline. Car alors ils servent de lit aux ruisseaux qui, formés par la pluie, s'y précipitent avec violence. C'était dans l'un de ces chemins qui conduit de Saint-Laurent-des-Hôtels à la Renaudière que, pendant une soirée orageuse du mois de juin 1793, s'avançait péniblement une colonne considérable d'infanterie, précédée et suivie de quelques régiments de cavalerie envoyés par la Convention pour soutenir l'armée républicaine commandée par le général Westermann. Les soldats marchaient, ayant de l'eau jusqu'à mi-jambe, dans un pays qui leur était tout à fait inconnu, où une nouvelle guerre les attendait, et où chaque buisson leur cachait un ennemi. Au milieu des chants patriotiques qu'ils faisaient entendre, se mêlaient de temps en temps quelques murmures interrompus par de bruyants éclats de rire, lorsque l'un d'entre eux tombait, soit qu'il heurta une pierre, soit qu'il glissa sur la terre grasse qui formait le fond du chemin. Un instant, le désordre se mettait dans les rangs. Celui qui avait fait une chute se relevait avec l'assistance de ses camarades, quelques paroles énergiques lui échappaient, et la colonne reprenait sa marche jusqu'à ce qu'un nouvel accident vînt provoquer une nouvelle scène de cette nature. Elles devinrent à la fin si fréquentes que les chants cessèrent tout à fait pour faire place à de violents murmures. Le général Chérin, qui montait sur un cheval superbe et vigoureux, précédait ce corps d'armée, s'arrêta et essaya de rendre aux soldats le courage qu'ils commençaient à perdre. « Parbleu, général, dit l'un d'eux, plus hardi que ses camarades. Il vous est bien aisé de prendre notre mal en patience. Vous avez un bon cheval qui vous épargne les chutes et la fatigue, tandis que nous, autres pauvres diables, voilà 8 heures que nous marchons les pieds dans l'eau et l'estomac vide. « Eh bien, mon ami, dit le général, en descendant et s'adressant à celui qui avait porté la parole, monte à ma place et moi je prendrai la tienne. » Le grenadier croit que son chef plaisante et refuse. Enfin, sur une seconde invitation et pressé par les railleries de ses camarades, il finit par accepter, s'élance sur le cheval qu'on lui présente et se met à la tête de la colonne qui continue son chemin. Mais à peine a-t-il fait 100 pas qu'un coup de fusil part du milieu des genêts qui bordent la route et le renverse, expirant au pied du général, qui ne dut la vie qu'à ce bizarre changement de place. Il reprend alors son coursier resté 100 mètres. « Citoyen, dit-il avec un calme railleur, qui de vous veut le remplacer ?» Personne ne répond. Il y remonte aussitôt, et toute cette vaste troupe se remet en marche sans que la plus légère plainte se fasse entendre dans ses rangs. Cependant, le coup de fusil avait été entendu à l'arrière-garde, et aussitôt 2 cavaliers, suivis de 2 soldats, se détachèrent et accoururent là où ils pensaient qu'un combat allait s'engager. Tous 2 paraissaient à peu près du même âge, et leur costume exactement pareil annonçait qu'ils occupaient le même grade. L'écharpe aux 3 couleurs qui saignait leur taille, la branche de laurier d'or qui courait sur les revers et le collet de leurs habits, leur chapeau surmonté de 3 plumes rouges, au milieu desquels s'élançait une aigrette tricolore, ne laissait aucun doute sur le rang dont ils jouissaient dans l'armée. Seules leurs épaulettes en laine grossière semblaient étrangères à ce costume brillant. À cette époque, les généraux venaient de faire un don patriotique de leurs épaulettes en or et des dragonnes de leurs sabres. Ces ornements avaient été remplacés par d'autres moins riches, mais qui suffisaient cependant pour faire connaître le grade de celui qui les portait. Quoique liés d'une amitié sincère, tout en eux, excepté le courage, offrait un contraste évident. Olivier, blond et d'une taille moyenne, laissait flotter ses longs cheveux, sans que rien les retînt ou les rassemblât. Ses joues pâles se coloraient subitement au récit d'une belle action ou à l'aspect d'un champ de bataille. Aussi bon officier que brave soldat, il possédait la foi et le coup d'œil qui juge et le courage qui décide. L'habitude du sang et du carnage n'avait pu porter atteinte à la sensibilité de son cœur. Il était calme et froid. Le soldat, dont il était adoré, attribuait sa mélancolie à quelques chagrins secrets, car tout semblait tellement lui sourire au seuil de la vie qu'il franchissait à peine qu'un motif semblable pouvait seul causer sa tristesse. Dervilly, son camarade, offrait un aspect tout différent. Sa taille herculéenne, sa force presque surnaturelle, ses cheveux courts et crépus, son teint basané, tout annonçait en lui qu'un soleil plus brûlant que le nôtre avait éclairé sa naissance. Sa vie, illustrée par des exploits qui eussent fait honneur à un vieux général, était exposée par lui à la moindre occasion. Toujours le premier à l'attaque, toujours le dernier à la retraite un jour de bataille, il se précipitait partout où il y avait un danger à braver, partout où il y avait de la gloire à acquérir. Les soldats, qu'il avait vu s'élever de leur rang et qui connaissaient son courage, le suivaient toujours sans murmurer, car ils savaient qu'avare de leur sang, il prodiguait le sien pour eux. Partisan fougueux de la République, tel que l'avaient rêvé les Barnaves, les Brissot et les Barbaroux, il avait vu avec douleur le pouvoir échapper aux mains de ses grands législateurs pour tomber entre celles d'hommes féroces, aveuglés ou vendus. À l'époque où les Français, après des siècles d'engourdissement, se réveillèrent au bruit du canon de Brunswick et de Souvarov, il ressentit un des premiers cette commotion électrique qui frappa à la fois tous les rangs de la société. Simple soldat, il s'était élancé à la frontière. En 4 ans, il acquit à la pointe de son épée les différents grades dont il fut revêtu, et dans ce moment, il partageait avec Olivier, le général Chérin, le commandement des nouvelles troupes que l'on envoyait dans la Vendée. Ils y trouvèrent ce dernier causant la portière d'une voiture avec un homme dont le costume singulier, à la fois civil et militaire, aurait attiré leur attention si depuis longtemps ils n'eussent été habitués à sa vue. Il était composé d'un chapeau rond orné d'une cocarde et plumes tricolores, d'un habit bleu aux boutons républicains, entouré d'une large ceinture, d'un pantalon jaune et collant, que couvraient jusqu'au-dessus du genou des bottes à revers, et complété par un grand sabre suspendu à son côté et qu'il eut plus d'une fois dans cette guerre l'occasion de tirer du fourreau. Ses yeux vifs, noirs et cachés sous d'épais sourcils, avaient un caractère de férocité que sa conduite ne démentit pas toujours. C'était le représentant du peuple, Delmar, envoyé par la Convention à l'armée de l'Ouest, afin de balancer par un pouvoir civil la force militaire dont on craignait toujours que les généraux n'abusassent. La conversation devint générale. Elle roulait sur les mesures de rigueur à prendre pour terminer promptement cette guerre désastreuse. Tout Vendéen arrêté les armes à la main ou faisant partie d'un rassemblement, quel que fût son sexe et son âge, devait être fusillé ou exécuté. Tels étaient les ordres de la Convention. Olivier et Dervilly se récrièrent sur leur rigueur. La France, disaient-ils, trouverait en eux des soldats et jamais des bourreaux. Le représentant du peuple fronça le sourcil. Ce n'étaient point là les hommes qui lui convenaient. Sur ces entrefaites, on arrivait au village de la Remaudière. Il était totalement évacué par ses habitants lorsque les Républicains y entrèrent. Un aide-de-camp du général Westermann, accompagné d'un fort détachement, y attendait la nouvelle division et était porteur de dépêches adressées au général Chérin. Celui-ci les communiqua aussitôt à Olivier et Dervilly en leur transmettant l'ordre qu'ils contenaient. Les deux hommes se regardèrent tristement. La mission dont ils étaient chargés était affreuse et cependant il fallait obéir. Olivier était désigné pour cerner un petit bois qui se trouve non loin du hameau et faire prisonnier les habitants des villes voisines qui devaient s'y rassembler pendant la nuit pour entendre la messe, tandis que Dervilly livrerait aux flammes les villages, les fermes et les châteaux environnants. Ils se décidèrent, malgré leur répugnance, car ils savaient trop combien, dans les temps de troubles surtout, est nécessaire une obéissance exacte à la discipline militaire. Ce n'étaient plus là les brillantes campagnes de Balmy, de Fleurus et de Jemappes. D'un côté, une guerre d'extermination, de l'autre, de fanatisme, de toutes parts d'horribles représailles. À minuit, les deux amis se partagèrent les troupes qui devaient faire partie de l'expédition et se séparèrent en indiquant un rendez-vous auquel ils devaient se joindre. Olivier se dirigea vers le petit bois qu'il avait reçu l'ordre de cerner et bientôt il l'aperçut. Tout y paraissait tranquille. Un instant, il espéra que de faux avis étaient parvenus au général en chef et que le rassemblement n'aurait pas lieu. Il mit pied à terre, prescrivit à ses soldats de se diviser en plusieurs pelotons, de garder le plus profond silence et d'entrer par quatre côtés différents. Leur ordonna de ne point attaquer avant le signal convenu, et le signal, c'était Derbili qui devait le donner. Olivier s'avança donc avec précaution à la tête de la petite troupe qu'il s'était réservée, et bientôt le spectacle le plus bizarre vint s'offrir à sa vue. Au milieu d'une clairière située au centre du bois, s'élevait un autel de gazon, un prêtre y officiait, revêtu d'habits sacerdotaux, entouré de paysans debout, qui soutenaient d'une main une torche de bois résineux, dont la flamme tremblante éclairait leur visage, et s'appuyant de l'autre sur des fusils de chasse à un ou deux coups. Autour d'eux étaient prosternés pêle-mêle hommes, femmes et enfants. Les premiers, armés de pistolets, de sabres et de fourches, portaient tous sur le côté gauche de la poitrine le corps d'étoffe rouge qui leur servait de signe de ralliement. Au milieu d'eux, les chefs se distinguaient par l'écharpe qui entourait leurs bras et par leur équipement militaire plus complet que celui des autres paysans. Le prêtre interrompit son office pour prêcher, ou plutôt pour haranguer ceux qui l'entouraient. Son sermon avait pour texte la crainte de Dieu, la fidélité aux Bourbons et la haine au gouvernement républicain. Il menaça des supplices de l'enfer quiconque ne prendrait pas les armes pour défendre ses principes sacrés, promit le paradis à ceux qui tomberaient victimes de leur dévouement. Puis tous s'inclinèrent jusqu'à terre. Dans un religieux silence, le ministre des autels étendit les mains sur leur tête et leur donna sa bénédiction. En ce moment, la cime des arbres se colora par degrés d'une teinte rougeâtre. Un sifflement aigu et prolongé se fit entendre dans les airs. Les villages environnants étaient la proie des flammes. C'était le signal qu'attendaient pour charger les troupes républicaines. À peine les Vendéens les eurent-ils aperçus qu'un cri terrible « Les bleus ! Les bleus !» retentit parmi eux, et au même instant, saisissant leurs armes, ils firent pleuvoir sur les républicains une grêle de balles, d'autant plus dangereuse que, presque tous étant chasseurs, leur coup était dirigé avec une extrême justesse. Les soldats y répondirent par un feu plus meurtrier encore. Les cris des femmes, les vociférations des combattants, les plaintes des blessés retentissaient à la fois, et le silence de la nuit et les échos des bois les rendaient plus effrayants encore. Au milieu de tout ce tumulte, le prêtre parcourait le champ de bataille, un crucifix d'une main et une torche enflammée de l'autre, rendait le courage aux combattants, offrant l'espérance aux blessés, et mêlant des chants sacrés au bruit de la mousqueterie. Surpris, entourés de tous côtés, les Vendéens ne pouvaient résister longtemps, à peine si quelques-uns parvinrent à s'échapper lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de se défendre. Le plus grand nombre fut massacré sur la place même, le reste fut emmené pour être fusillé plus tard. Olivier, déplorant ce carnage inutile, n'y avait pris part que par ses ordres et, appuyé contre un arbre, à quelques pas du champ de bataille, soupirait en songeant qu'il ne pouvait l'empêcher. Tout à coup, un jeune homme s'échappe de cette horrible mêlée, s'élance vers lui. « Sauvez-moi » s'écria-t-il en se jetant à ses genoux. « Sauvez-moi, au nom du ciel, au nom de votre mère !» Sa voix douce, son âge, qui paraissait à peine échappé à l'enfance, émurent fortement Olivier. Il l'entraîna à quelques pas pour le soustraire au regard de ses soldats, car il n'eût pas été maître de le sauver s'il l'eût aperçu. Bientôt il fut forcé de s'arrêter. Le jeune homme s'était évanoui. Cet excès de terreur l'étonna dans un militaire, mais il ne s'empressa pas moins de lui prodiguer les secours qu'exigeait son état. Il ouvrit son habit pour donner de l'air à sa poitrine oppressée. Une exclamation de surprise lui échappa. C'était une femme. L'intérêt devint plus puissant encore du moment où le romanesque s'y trouva mêlé. Il n'y avait pas un instant à perdre. Il assit la jeune fille au pied d'un arbre et courut vers le champ de bataille. Parmi les morts, il distingua un jeune officier républicain dont la taille lui paraît être à peu près celle de l'inconnu. Il le dépouilla promptement de son uniforme et de son chapeau et revint auprès d'elle. La fraîcheur de la nuit l'attira bientôt de son évanouissement. « mon père !» furent les premiers mots qu'elle prononça. Mais rappelant ses idées et se trouvant dans les bras d'un étranger, la crainte vint de nouveau l'assaillir. Le désordre dans lequel elle s'était trouvée à son retour à la vie ne lui laissait aucun doute que l'officier républicain ne connût son sexe. Elle ne chercha donc plus à le lui cacher, et tombant une seconde fois à ses pieds, elle implora une pitié qu'elle n'espérait pas trouver. dans l'un de ces hommes qu'on lui avait peint féroce et sanguinaire. Olivier la rassura, lui montra le déguisement qu'il lui avait préparé, et l'invita à rejeter son habit vendéen dont le cœur sanglant l'eut bientôt trahi. Tandis qu'elle s'empressait de changer de costume, il retourna sur le champ de bataille, donna à ses soldats l'ordre de se retirer, puis lorsqu'il vit qu'il s'apprêtait à l'exécuter, il laissa au colonel le commandement de sa troupe et retourna près de la jeune Vendéenne. Il la trouva prête à le suivre. Tous deux se dirigèrent aussitôt vers l'endroit où il avait laissé son domestique, qu'il attendait avec des chevaux de main. Là, son embarras redoubla. Il craignait que le défaut d'habitude ne trahisse sa compagne, mais elle l'eut bientôt rassurée, et s'élançant sur la selle, elle manœuvra son coursier avec moins de force, mais avec autant de grâce que le meilleur cavalier de l'armée. Elle vit la surprise d'Olivier et sourit. « Vous serez moins étonné lorsque vous me connaîtrez mieux. Vous verrez par quelle suite d'événements les exercices des hommes me sont devenus familiers. Et croyez que je n'aurai pas de secret pour vous. » En ce moment, l'aurore commençait à paraître. Ils furent joints par la troupe de l'expédition. Blanche, c'était le nom de la jeune Vendéenne, éprouva en l'apercevant un premier sentiment d'effroi et voulut s'éloigner. Olivier l'arrêta. « Si vous me quittez un seul instant, lui dit-il à mi-voix, vous vous perdez. Du sang-froid, de la résolution, et je réponds de tout. » L'armée défila devant eux. Les prisonniers la suivaient. Ils étaient en petit nombre. Blanche les examinait avec anxiété, car parmi eux, elle tremblait de reconnaître son père. Elle les interrogeait des yeux. L'un d'eux la reconnut, tressaillit, mais sur un geste qu'elle lui fit, réprima son étonnement. « Le marquis de Beaulieu est sauvé, » murmura-t-il en passant près d'elle, et Blanche, au comble de la joie, se replaça aux côtés d'Olivier. D'Hervilly avait été exact au rendez-vous qu'il avait donné à son ami aux portes du village. Il y attendait. Olivier se pencha vers lui, prononça quelques mots à son oreille, et vint se placer de l'autre côté de Blanche, de manière à ce qu'elle se trouvât entre deux. Celle-ci paraissait tout à fait rassurée. La figure douce d'Olivier et la physionomie ouverte de Herbilly avaient produit ce changement. Blanche et les deux amis descendirent au château où déjà s'était établi le conventionnel Delmar et le général Chérin. Ils eussent préféré prendre dans le village un logement plus obscur, mais ils craignaient d'éveiller les soupçons. Leur chambre était préparée à l'état-major, il fallait les occuper. Olivier conduisit Blanche à la sienne, l'invita à se jeter tout habillé sur son lit pour y prendre quelques instants de repos, dont elle devait avoir grand besoin après la nuit affreuse qu'elle venait de passer, et descendit pour rendre compte au général Westermann, qui venait d'arriver à la Remaudière, du succès de son entreprise. Un autre motif l'y conduisait encore. Il avait cherché quelques moyens de sauver la jeune Vendéenne, et un seul s'était présenté à son esprit, c'était de la conduire lui-même à Nantes, où habitait sa famille. Depuis 3 ans, il n'avait revu ni sa mère ni ses sœurs, et se trouvant à quelques lieues seulement de cette ville, il paraissait tout naturel qu'il demandât une permission qui lui fut accordée sans difficulté. Il remonta presque aussitôt pour faire part de cet arrangement à Blanche, qui perdit toute crainte lorsqu'elle apprit qu'elle voyagerait sous l'escorte même d'Olivier. Un instant après, Dervilly rentra. Il venait de donner des ordres pour qu'on préparât le déjeuner. « Nous avons fait cette nuit une triste expédition, » dit-il en s'adressant à son ami. « Une expédition qui conviendrait mieux à des brigands qu'à des soldats de la République. » À ces mots, il détacha le sabre large et recourbé qui pendait à son côté, et tirant à moitié du four à sa lame damassée et ornée de caractères turcs. « Grâce à Dieu, je n'ai pas encrassé ta fine trempe sur ces pauvres paysans, » continua-t-il, en passant légèrement le doigt sur le tranchant fraîchement émoulu. « Mais je prévois qu'il faudra bientôt venir là. » « Au reste, » ajouta-t-il d'un ton plus indifférent, « ce n'est pas sur nous que le sang versé retombera, nous qui ne faisons qu'obéir aux ordres que nous recevons, et que nous adoucissons encore autant qu'il est en notre pouvoir. » En ce moment, le représentant du peuple parut sur le seuil de la porte. Sa figure sinistre fit tressaillir Blanche avant même qu'elle sût qui il était. « Ah !» dit-il à Olivier, « tu veux déjà nous quitter, citoyen général, mais tu t'es si bien conduit cette nuit que je n'ai rien à te refuser. Cependant, je t'en veux un peu d'avoir laissé échapper le marquis de Beaulieu. » Blanche s'assit, ses genoux tremblants refusaient de la soutenir. « J'avais pourtant préparé à ce vieux fou une réception brillante, » ajouta Delmar avec un rire féroce, « et j'avais chargé un peloton de fusiliers de lui en faire les honneurs. Mais ce qui est différé n'est pas perdu, nous le rattraperons un peu plus tard. Voilà tes permissions que j'ai signées de concert avec le général en chef. continua-t-il en revenant au sujet qui l'avait amené. « Elle est en règle, tu peux partir quand tu voudras. Mais auparavant, je viens te demander à déjeuner. Je n'ai pas voulu quitter un brave tel que toi, sans boire avec lui au salut de la République et à l'extermination des factieux. » Dans la position où se trouvait Olivier, cette marque d'estime ne lui était rien moins qu'agréable. Il en regarda Blanche. Elle avait conservé quelque empire sur elle-même. Cependant, la pâleur de son visage attestait l'anxiété de son âme. Il fallut se mettre à table, et la jeune fille, pour ne pas se trouver en face de Delmar, fut obligée de prendre place à ses côtés. Elle s'assit en tremblant, mais peu à peu elle se rassura, en s'apercevant qu'il s'occupait davantage du repas que des convives qui le partageaient avec lui. Olivier commençait à espérer que le danger était passé, lorsqu'une décharge de mousqueterie se fit entendre dans la cour même du château. Blanche devint plus pâle encore. Olivier et Dervilly sautèrent sur leurs armes qu'ils avaient déposées près d'eux. Delmar les arrêta. « Bien, mes braves, bien » s'écria-t-il en riant. « J'aime à voir que vous êtes sur vos gardes. »« Mais que signifie ce bruit ?» reprit Olivier. « Rien, » répondit froidement Delmar. « Ce sont les prisonniers de cette nuit qu'on fusille. » Les deux jeunes gens soupirèrent en levant les yeux au ciel, et Blanche ne put retenir un cri d'effroi et de douleur. Ce fut alors seulement que le conventionnel la remarqua. « Diable !» dit-il d'un ton ironique en fixant sur elle des yeux perçants. « Quelle explosion de sensibilité pour un soldat républicain !»« Il est vrai que tu es bien jeune, » ajouta-t-il en lui frappant sur l'épaule, « mais tu t'y habitueras. »« Oh, jamais, jamais !» s'écria Blanche, oubliant combien il était dangereux pour elle de manifester ses sentiments devant un semblable témoin. « Jamais je ne m'habituerai à de telles horreurs. »« Timide enfant !» reprit Delmar avec mépris. « Crois-tu donc que l'on puisse régénérer une nation sans répandre de sang, réprimer les factions sans dresser d'échafaud ? As-tu jamais vu une révolution passer sur un peuple le niveau de l'égalité sans abattre quelques têtes ? Malheur alors, malheur aux grands, car la baguette de Tarquin les a désignés. » Il se tut un instant, puis continua. « D'ailleurs, quelle amort ! Un sommeil sans songe, sans réveil. Qu'est-ce que le sang ? Une liqueur rouge, à peu près semblable à celle que contient cette bouteille et qui ne produit d'effet sur nos cœurs que par l'idée qu'on y attache. » Il remplit les verres. « Allons, jeune homme, » ajouta-t-il, « du courage, et pour t'en donner, bois avec moi à la République, à la liberté et à l'extermination de leurs ennemis. » La position de Blanche était affreuse. À peine si sa main tremblante put porter à sa bouche le verre qu'on lui présentait, elle l'effleura des lèvres et le posa sur la table. Dervilly et Olivier laissèrent le leur intact, sans y toucher. « Eh bien !» dit le représentant du peuple, en fronçant le sourcil. « Refuseriez-vous de me faire raison de mon toast ?»« Oui, » répondit Olivier en se contraignant à peine. « Oui, je refuse, car ma liberté à moi n'est point une déesse de sang. »« Allons, allons !» reprit Delmar en se levant. « Je vois que j'ai affaire à démodérer, et je me retire. Mais auparavant, citoyen général, je veux te donner un conseil dont tu feras bien de profiter. Garde tes réflexions philanthropiques et des arguments de collège pour Charette ou Bernard de Marigny, si jamais tu tombes entre leurs mains. Quant à moi, tu te repentirais peut-être de le répéter une seconde fois en ma présence. » À ces mots, il sortit. « Homme féroce !» murmura Dervilly en refermant la porte sur lui, tandis qu'Olivier soutenait entre ses bras la jeune Vendéenne, dont toutes les forces étaient épuisées dans ce pénible entretien. « Oh mon Dieu !» dit-elle en cachant sa tête entre ses mains. « Oh mon Dieu ! Lorsque je pense que mon père peut tomber au pouvoir de ces tigres, n'est-il donc plus de sentiments humains ? N'est-il donc plus de pitié dans ce monde ? Oh, pardon ! Pardon ! Ajouta-t-elle vivement, en saisissant les mains des deux amis. « Ma douleur m'égare, qui plus que moi doit cependant savoir qu'il existe encore des cœurs nobles et généreux ?» En ce moment, on vint avertir Olivier que les chevaux étaient prêts. « Pardon ! S'écria Blanche vivement. « Partons, l'air qu'on respire ici est imprégné de sang. »« Partons, » répondit Olivier, et tous trois descendirent à l'instant et se rendirent à la place où le domestique les attendait. Olivier y trouva un détachement de 30 hommes que le général en chef avait fait monter à cheval pour l'escorter jusque sur les rives de la Loire. Dervilly les accompagna aussi quelque temps, mais à une lieue du village, son ami insista fortement pour qu'il y retournât. Il eût été dangereux pour lui d'aller plus loin. Il prit donc congé d'eux, et mettant son cheval au galop, disparut bientôt à leur regard. « Excellent ami !» murmura Olivier en le suivant des yeux. « Dévoué, brave et généreux !»« Oh oui, brave et généreux !» s'écria Blanche. « Il ignore qui je suis, et cependant, quel intérêt il paraît prendre à mon sort. Mais vous, je vous dois plus encore !» et je ne vous connais pas davantage, reprit en souriant le jeune officier. Blanche avait cependant promis de ne point conserver de secret pour moi. Blanche va acquitter sa promesse, dit-elle en se rapprochant d'Olivier, et en lui faisant signe de s'éloigner un peu de son escorte. La jeune Vendéenne recueillit un instant ses souvenirs. Je suis fille unique, dit-elle, du marquis de Beaulieu. À ce mot, Olivier tressaillit, car c'était celui d'un des principaux chefs vendéens. Elle continua sans remarquer ce mouvement de surprise. Mon père, après avoir passé sa jeunesse au service du roi, rentra dans ses foyers à l'âge de 45 ans. Le désir d'avoir un héritier de son nom, qui doit s'éteindre avec lui, lui décida à offrir l'hommage de sa main et de sa fortune à la jeune Ernestine de Mauléon. Élevée dans le vieux château de son père, loin des plaisirs et des séductions du monde, Ernestine accueillit les vœux du marquis. Bientôt leur union fut consacrée au pied des autels, et mon père fut au comble de la joie lorsque, quelque temps après, son épouse lui annonça qu'elle croyait être mère. Tous ses désirs étaient remplis, car il ne douta pas un seul instant que ce ne fût un fils qu'elle portait dans son sein. Les attentions les plus délicates furent alors prodiguées à son Ernestine, et ses volontés étaient accomplies avant qu'elle eût le temps de les exprimer. Ma mère avait toujours beaucoup aimé les fleurs. Une serre fut préparée, et le marquis fit venir à grands frais les plantes les plus rares et les plus belles qu'il pût se procurer. Les roses rouges surtout étaient devenues l'objet de son soin particulier. Tout le temps que dura sa grossesse, sa seule parure fut une de ces fleurs qu'elle portait dans ses cheveux. Soit hasard, soit l'effet des impressions sympathiques qu'une mère peut communiquer à son enfant avant sa naissance, la rose rouge est aussi la fleur que je préfère, et je ne puis en voir une sans désirer de m'emparer aussitôt. Je vis le jour. Mon père avait si peu douté de l'accomplissement de ses vœux que leur anéantissement le mit au désespoir. Pour comble de malheur, la santé de ma mère ne se rétablit jamais parfaitement, et le médecin déclara qu'une seconde grossesse compromettrait son existence. Tout espoir fut donc ravi au marquis. Mais, voulant au moins essayer de tromper sa douleur, il convint avec ma mère que je porterais dans mon enfance les habits d'un sexe qui n'était pas le mien. Et la laissant libre de son côté de me donner l'éducation d'une femme, il se chargea de me familiariser avec les exercices des hommes. J'appris donc sous ses yeux à monter à cheval et à faire des armes. Je le suivais à la chasse, armé d'un léger fusil, et lorsqu'il me voyait manœuvrer habilement mon coursier, manier adroitement un fleuret, ou abattre à mes pieds la pièce de gibier qui fuyait devant moi, alors son illusion était complète, et cet excellent père me disait qu'il était heureux. Je n'avais pas tardé à apprendre que ma naissance avait renversé tous ses projets, et malgré ma répugnance pour les exercices auxquels il désirait que je me livrasse, je croyais devoir ce faible adoucissement à ses regrets. Ma mère, de son côté, ne me laissait rien ignorer de ce que doit connaître une femme. Je reçus donc, si je puis m'exprimer ainsi, une double éducation que j'étais loin de présumer de voir un jour me devenir nécessaire. Cependant, ce genre de vie avait développé mes forces, ma santé était excellente, et je parvins à l'âge de 14 ans, sans avoir éprouvé aucune de ces maladies qui, presque toujours, assiègent le premier âge des enfants des villes. C'était le terme fixé par ma mère, et auquel je devais reprendre les vêtements de mon sexe. Le marquis l'avait vu s'approcher à regret, mais craignant de contrarier son Ernestine, dont la santé s'affaiblissait tous les jours, il n'opposa aucune résistance à ses désirs. Il se fit de ce moment un changement total dans mes habitudes et mes occupations. Je ne tenais point aux unes et je regrettais peu les autres. C'était par complaisance pour mon père que je me prêtais à ce déguisement, et ce fut avec plaisir que je renonçais à des exercices qui m'éloignaient de ma mère, dont l'état désespérant réclamait les soins les plus assidus. Elle avait conservé pour les roses rouges cette singulière prédilection que je partageais, et j'avais eu le soin que sa chambre fût constamment ornée de ses fleurs du moment où elle devint trop faible pour en sortir. Alors, appuyée sur mon bras, elle se traînait vers les vases qui les contenaient, respirait leur parfum avec délice et quelquefois, en souriant d'un air mélancolique, mêlait à ses cheveux une de ces fleurs dont la couleur foncée faisait ressortir encore la pâleur de son visage. Bientôt, son affaiblissement ne lui permit plus de quitter son lit. Elle ne s'abusait point sur son état et voyait avec tranquillité la mort s'approcher d'elle. Enfin, elle expira entre nos bras en me recommandant le bonheur de mon père. Je n'essaierai pas de vous peindre notre douleur. Elle fut affreuse. Quelques mois s'écoulèrent sans y apporter d'adoucissement. Mais bientôt des événements terribles vinrent nous forcer de partager nos larmes entre nos anciens souvenirs et nos nouveaux malheurs. Une fermentation extraordinaire régnait dans toute la Vendée depuis les premiers jours de la Révolution. Des révoltes partielles présageaient un soulèvement général. Le serment que l'on exigeait des prêtres vint encore accroître le mécontentement des paysans. Ils refusèrent d'aller à la messe lorsqu'ils virent qu'on leur enlevait les vicaires auxquels ils étaient accoutumés et qui connaissaient leurs mœurs et leurs patois. Les prêtres assermentés furent insultés, la gendarmerie éprouva de la résistance, et les paysans commencèrent à montrer du courage. Ils se rassemblaient armés de fourches et de fusils pour entendre la messe dans la campagne et défendre leurs prêtres si on essayait de les leur enlever. Bientôt ces rassemblements devinrent plus nombreux et durèrent plus longtemps. Enfin, plusieurs paroisses se réunirent. Quelques gentilshommes exaltèrent les esprits des villageois et se mirent à leur tête. Messieurs Baudry, Delouge et Richetot se partagèrent le commandement et se dirigèrent vers Bressuire pour attaquer la garde nationale. Celle-ci, dans le premier feu de l'enthousiasme, marcha contre ceux qu'elle désignait sous le nom de brigands, en fit une horrible boucherie, et s'étant emparé de M. Richetot, le conduisit à Thouars, où il fut fusillé sans jugement. Les deux autres chefs parvinrent à s'échapper. Cependant, ce revers n'avait point abattu le courage des Vendéens. Une nouvelle circonstance vint leur fournir l'occasion d'en donner la preuve. Un recrutement de 300 000 hommes avait été décrété par la Convention. Les jeunes gens se rendirent à Saint-Florent avec l'intention de ne pas obéir à la loi. On commença par les haranguer. Les menaces succédèrent aux discours et les effets aux menaces. Un canon fut braqué et tiré sur les mutins. Ceux-ci s'élancèrent sur la batterie, s'en emparèrent et se virent armés ainsi d'une pièce d'artillerie qu'ils surnommèrent le missionnaire. L'insurrection alors prit un caractère plus grave. Trois nouveaux chefs s'élancèrent des rangs révoltés, Stofflet, Catelineau et Forêt. Ils étaient braves, mais manquaient d'instruction et n'avaient aucune notion de l'art militaire. Ils sentirent le besoin de placer leur tête des hommes éclairés. La Rouge Jacquelin, Bonchamp, Delbé, Bernard de Marigny se joignirent à eux et dès ce moment, ces moteurs d'émeutes partielles et de soulèvements particuliers commencèrent à correspondre et parvinrent à combiner leurs mouvements. Mon père avait été plusieurs fois sollicité par les gentilshommes voisins de prendre rang parmi eux et par ses vassaux de se mettre à leur tête. Ici Blanche parut hésiter. Olivier comprit qu'elle craignait de lui déplaire ou de diminuer l'intérêt qu'il lui portait en lui parlant de son père. « Continuez, lui dit-il avec douceur, en la rassurant. Continuez, Blanche. » Je sais quels sont les principes fanatiques de cette classe de la société à laquelle vous appartenez, et c'est bien sincèrement que j'aurais désiré que, comprenant enfin les besoins du siècle, elle leur eût sacrifié ses privilèges vieillis, et n'eût point tenté d'opposer une digue au torrent de l'opinion. Je la plains, sans désirer qu'on la punisse, car ses erreurs sont celles de ses pères. Elle les a puisées dans le sang qui lui a donné le jour et dans le lait qui la nourrit. Blanche continua. La position sociale du marquis, son opinion politique, son amour pour ses rois, tout le portait à céder à ses instances réitérées. Le jeune chevalier de Mondion et Bernard de Marigny furent enfin députés vers lui pour presser sa décision. Je voyais qu'il brûlait d'envie de se joindre à eux, et je devinais que j'étais le seul obstacle qui s'opposa à l'accomplissement de ce désir. J'adorais mon père, et j'étais loin de combattre une résolution qui prenait sa source dans des motifs aussi sacrés. J'attendis que les étrangers se fussent retirés dans leur appartement, et je reparus aux yeux du marquis, vêtu de mes habits d'homme. Il comprit de suite le motif qui m'avait fait agir, et m'embrassa avec transport. « Tu me sauves l'honneur, » me dit-il, puis tout à coup s'arrêtant. « Mais consentirais-je à t'exposer à des fatigues et à des périls sans cesse renaissants ?»« Blanche, il ne faut pas nous dissimuler que cette guerre sera longue et cruelle. » Nos soldats prévoyant n'en ont pas calculé toutes les conséquences. Je l'interrompis. Et que m'importe, mon père? L'éducation que j'ai reçue m'a habitué à ces fatigues. Quant aux périls, ne les partagerai-je pas avec vous? Je lui citai donc l'exemple de plusieurs femmes vendéennes qui, sous des habits d'hommes, suivaient leur mari au combat. Ils désiraient trop vivement être persuadés pour que mes instances restassent longtemps sans effet. Il consentit à tout. Et la nuit se passa à rassembler les armes et les munitions qui se trouvaient au château. Le lendemain, je fus présenté à Bernard de Marigny et au chevalier de Mondion, sous le nom d'un de mes cousins qui se trouvait alors au collège d'Angers. Ils n'eurent aucun soupçon sur mon sexe et mon Dion, qui était à peu près de mon âge, me demanda mon amitié et m'offrit la sienne. Vous connaissez les événements de cette guerre désastreuse, où tour à tour vainqueur et vaincu, les deux parties signalèrent leur victoire par d'horribles cruautés. Je gémissais intérieurement d'être le témoin de toutes ces horreurs, mais les chefs mêmes ne pouvaient les empêcher, et l'exaltation de quelques-uns était si grande que, loin d'y mettre un frein, souvent ils les encourageaient eux-mêmes. Cependant, la difficulté de se livrer à leurs exercices de piété, loin de la tiédir, redoublait encore la dévotion des Vendéens. Les chapelles étaient démolies ou brûlées, mais les prêtres, qui marchaient dans les rangs, disaient la messe partout où ils se trouvaient. Plus fréquemment encore, on indiquait dans le jour un rendez-vous pour la nuit, et c'était au milieu des bois, dans les endroits les plus écartés, que se célébrait le service divin, auquel les paysans assistaient dans le plus profond recueillement. Mon père et moi faisions partie de l'un de ces rassemblements, lorsque votre protection me sauva la vie au moment où j'allais être massacré. Vous savez le reste. Le récit de Blanche avait plusieurs fois été interrompu par les courtes haltes de la petite troupe qui désirait arriver le soir même à Nantes. Le jour commençait à baisser lorsqu'elle se trouva sur les bords de la Loire. Elle la traversa au pont Rousseau, et quelques instants après, Olivier pressait entre ses bras sa mère et ses sœurs, à qui une absence de 3 ans et un retour imprévu ne faisaient que mieux sentir le charme de la réunion. Blanche pleurait, car elle songeait qu'elle, peut-être, ne reverrait plus les parents dont elle était séparée. Après les premiers embrassements, Olivier présenta à sa famille sa jeune compagne de voyage. Quelques mots suffirent pour intéresser vivement sa mère et ses sœurs, et à peine Blanche eut-elle manifesté le désir de reprendre les habits de son sexe, que les deux jeunes filles l'entraînèrent à l'envi et se disputèrent le plaisir de lui servir de femme de chambre. Cette conduite, toute simple qu'elle paraisse au premier abord, acquérait cependant un grand prix par les circonstances du moment. Nantes était alors en proie aux larmes et à la désolation. L'échafaud couvrait chaque jour les places publiques du sang de nouvelles victimes, et le féroce guerrier, trouvant qu'il coulait encore trop lentement, torturait son esprit pour inventer des supplices. À peine 20 jours s'était-il écoulé depuis son arrivée, et plus de 4 000 citoyens étaient déjà tombés sous la hache révolutionnaire. Bientôt ce mode d'exécution lui parut trop lent. Il imagina ses noyades, dont le nom est devenu inséparable de son nom. Lamberti et Fouquet, dignes ministres d'un tel proconsul, se chargèrent de leur exécution, dont la première fut ordonnée à la suite d'une orgie. Des bateaux furent confectionnés exprès pour renouveler le supplice dont Néron avait épouvanté Rome. Des soupapes furent adaptées, elles s'ouvraient, et tout à coup des milliers de victimes disparaissaient englouties par les flots, tandis que des mariniers, armés de crocs et d'avirons, assommaient et massacraient ceux de ces malheureux qui revenaient à la surface des flots et qui essayaient de gagner le rivage. Enfin, l'infamie fut jointe au trépas. De jeunes garçons et de jeunes filles, dépouillés de leurs vêtements et enchaînés 2 à 2, étaient précipités dans la Loire. L'exécrable Carrier, plus heureux que Tibère, était parvenu à surpasser son inventive cruauté et, joignant la dérision à la férocité, donnait à ses exécutions le nom de mariage républicain. Cependant, au milieu de toutes ces horreurs, l'amour parvenait encore à dérober quelques instants à la crainte. La sœur aînée d'Olivier devait épouser dans quelques jours un jeune avocat de Nantes, et sa mère, en lui apprenant cette nouvelle, se félicita encore davantage d'un retour qui permettait à son fils d'assister au mariage de sa chère Clotilde. Bientôt les deux jeunes filles rentrèrent, ramenant Blanche parée avec une simplicité élégante. Olivier fit quelques pas au-devant d'elle et s'arrêta étonné. Sous ses vêtements d'homme, il avait à peine remarqué sa beauté céleste et les grâces qu'elle semblait avoir reprises avec les habits de son sexe. « Je croyais n'avoir sauvé qu'une femme, » dit-il en baisant avec transport la main qu'elle lui présentait, « et c'est un ange que j'ai dérobé à la mort. » Blanche baissa les yeux, les joues d'Olivier se couvrirent d'une rougeur inaccoutumée, et plusieurs fois dans la soirée, il se surprit, la regardant avec une émotion dont il n'était pas maître, tandis que sa main appuyée sur sa poitrine cherchait vainement à comprimer les battements précipités de son cœur. Olivier avait déjà aimé. Une passion violente avait agité ses premières années, années heureuses où l'homme plein de jours et de désirs s'élance dans la vie, embrassant avec avidité un avenir immense, qu'il croit rempli de félicité et borné par un horizon sans nuages. Olivier avait aimé de toute la puissance de son âme et bien jeune encore, il avait vu fuir loin de lui ces illusions délicieuses qui semblent le reflet du ciel destiné à colorer de teintes vives et brillantes le matin de votre vie. Le sang qui bouillonnait dans ses veines s'était calmé lentement. Une froideur mélancolique avait remplacé l'exaltation de ses esprits. Olivier, enfin, n'était plus qu'un malade privé par l'absence subite de la fièvre qui le brûlait, de l'énergie et de la force qu'il ne devait qu'à sa seule présence. Eh bien, tous ces songes de bonheur, tous ces éléments d'une vie nouvelle, tous ces prestiges de la jeunesse qu'Olivier croyait avoir perdu pour jamais, renaissaient à ses yeux dans un lointain vague, mais que cependant il pouvait atteindre un jour. Lui-même s'étonnait que le sourire revînt quelquefois, et son sujet effleurait ses lèvres comme celles d'un homme heureux. Il n'éprouvait rien de semblable au transport fougueux que lui avait inspiré sa première passion. C'était maintenant un sentiment doux et paisible qui semblait circuler avec son sang, porter de l'air à sa poitrine oppressée, rendre l'énergie à son corps épuisé de fatigue. Enfin, il ne ressentait plus cette difficulté de vivre qui la veille encore absorbait ses forces et lui faisait désirer une mort certaine, comme la seule barrière que ne puisse dépasser la douleur. Blanche, de son côté, entraînée d'abord vers Olivier par la reconnaissance, attribua à ce sentiment les diverses émotions qui venaient agiter son âme. N'était-il pas naturel qu'elle désirât la présence de l'homme qui lui avait sauvé la vie? Les paroles qui s'échappaient de sa bouche pouvaient-elles lui être indifférentes? Sa physionomie, empreinte d'une mélancolie si profonde, ne devait-elle pas éveiller la pitié dans son cœur? Et lorsqu'elle le voyait soupirer en la regardant, n'était-elle pas toujours prête à lui dire « Olivier, vous à qui je dois tant, que ne puis-je donc contribuer à vous rendre le bonheur ?» C'est agité de ces divers sentiments, qui chaque jour acquéraient une force nouvelle, que Blanche et Olivier passèrent les premiers temps de leur séjour à Nantes. Enfin, l'époque fixée pour l'union de Clotilde était arrivée, et le soleil du lendemain devait éclairer le bonheur des deux jeunes époux. Jaloux d'embellir encore celle qu'il aimait, Olivier avait déposé aux pieds de Blanche des parures brillantes et précieuses. « Les bijoux conviennent-ils à ma situation ?» lui dit-elle tristement. « Moi, proscrite, fugitive, ah, que ma simplicité me dérobe plutôt à tous les regards. Songez que je puisse être reconnue. » Olivier la pressa de nouveau, mais en vain. Elle ne consentit à accepter qu'une rose rouge artificielle, rappelant au jeune officier la préférence qu'elle accordait à cette fleur. Blanche accompagnait sa nouvelle amie, dont l'hymen, sanctionné par la loi, ne put être béni par un prêtre et le cortège rentra bientôt dans la maison paternelle. Dans cet intervalle, un étranger qui voulait, disait-il, communiquer à Olivier des choses de la dernière importance avait été introduit dans le salon et s'y trouvait encore lorsque les nouveaux époux y rentrèrent, accompagnés de leurs parents et de leurs amis. Olivier tressaillit en l'apercevant, car il reconnut le représentant du peuple, Delmar. Blanche trembla aussi lorsqu'elle le vit s'approcher d'elle. Sa figure sinistre avait pris, en la regardant, un caractère de férocité joyeuse qui l'épouvanta. Longtemps il fixa sur elle ses yeux noirs et perçants, et l'un de ces sourires qui promettent la mort d'intérêt sur ses lèvres. « Citoyenne, lui dit-il, tu as un frère ?» Blanche balbutia quelques mots, Delmar reprit. « Si ma mémoire et ta ressemblance ne me trompent point, j'ai déjeuné avec lui et le citoyen général au bourg de la Remaudière. Comment se fait-il que depuis cette époque, je ne l'ai plus revu dans les rangs de l'armée républicaine ?» Blanche, atterrée, sentait ses forces prêtes à l'abandonner. Le féroce Delmar, jouissant de son trouble, semblait suivre sur son visage les progrès de sa pâleur et l'expression de ses angoisses. Lorsqu'il se fut rassasié de cette vue, il se retourna vers Olivier, qui, debout près de lui, attendait à la fin de cette scène en pressant machinalement la garde de son épée. Le conventionnel aperçut son attitude menaçante et le feu qui brillait dans ses regards lui fit comprendre que le jeune officier était prêt à défendre Blanche contre quiconque tenterait de la lui enlever. Aussitôt sa figure reprit son expression habituelle, il parut avoir oublié ce qui venait de se passer, et entraînant Olivier dans l'embrasure d'une fenêtre, il l'entretint de la situation de la guerre de la Vendée et lui apprit qu'il était venu à Nantes pour se concerter avec son collègue Carrier sur les mesures de rigueur qu'il était urgent de prendre à l'égard des révoltés. Le lendemain, Olivier reçut l'ordre de partir sans délai pour rejoindre l'armée et reprendre le commandement de sa brigade. Cet ordre subi et imprévu l'étonna. Il crut y voir quelque rapport avec la scène qui s'était passée la veille. Sa permission n'expirait que dans 15 jours. Il courut chez Delmar pour en obtenir quelques explications, Celui-ci était reparti aussitôt son entrevue avec Carrier. Il fallut obéir. Balancer, c'était se perdre. À cette époque, les généraux étaient soumis au pouvoir des commissaires envoyés par la Convention et chargés d'espionner la gloire, leur inquisition flétrissante s'étendait jusque sur les camps où s'étaient réfugiés la franchise et la loyauté. Olivier, étourdi de ce coup inattendu, n'eut pas le courage d'annoncer à Blanche un départ qui la laissait seule et sans défense, au milieu d'une ville arrosée chaque jour du sang de ses compatriotes. Elle s'aperçut de son trouble, et son inquiétude surmontant sa timidité, elle s'approcha de lui, et ses regards inquiets l'interrogèrent à défaut de parole. Olivier lui présenta l'ordre qu'il venait de recevoir. Blanche eut à peine jeté les yeux, qu'elle comprit à l'instant à quel danger le défaut d'obéissance exposait son protecteur. Son cœur se brisait, et pourtant elle trouva la force de l'engager à partir sans retard. Olivier la regarda tristement. « Et vous aussi, Blanche, dit-il, vous exigez que je m'éloigne, que j'étais insensé, ajouta-t-il plus bas, et comme se parlant à lui-même, lorsque je songeais à mon départ, j'avais quelquefois pensé qu'il lui coûterait des regrets et des pleurs, comme si je ne lui étais pas étranger et indifférent. » Il releva les yeux sur Blanche qu'il avait entendue. De grosses larmes roulaient sur les joues de la jeune fille et des soupirs étouffés soulevaient son sein. « Oh, pardonnez-moi, s'écria Olivier, pardonnez-moi. Je suis bien injuste, mais je suis malheureux. Et le malheur rend défiant. Je vais rêver des jours de félicité. Je vois qu'il n'y faut plus songer. Combien il en coûte de renoncer à de si douces espérances. Blanche, ajouta-t-il avec un calme mélancolique, la guerre que nous faisons est cruelle et meurtrière. Il est possible que nous ne nous revoyons jamais. » Il saisit sa main. « Oh, promettez-moi que si je tombe frappé loin de vous, mon image se présentera quelquefois à votre souvenir et mon nom à votre bouche. » Blanche était suffoquée par ses larmes. Elle ne pouvait répondre, mais une de ses mains pressait la main d'Olivier, tandis que de l'autre, elle lui montrait la rose rouge dont sa tête était parée. « Toujours, murmura-t-elle, toujours. » Et nous pouvons résister à tant d'émotions, elle tomba évanouie dans les bras de Clotilde. Olivier s'était précipité aux genoux de Blanche et pressait ses mains qu'il couvrait de baisers, sourd aux prières de sa mère et de ses sœurs, qui arrivaient à son oreille comme un bruit important et fatigant dont il semblait avoir oublié la cause. Enfin, elle rouvrit les yeux et rougit en voyant Olivier à ses pieds. Mais rappelant aussitôt son courage, elle exigea de nouveau qu'il s'éloignât. Lui-même en sentait la nécessité. Aussi ne résista-t-il pas davantage à leurs prières. À l'instant même, les ordres nécessaires furent donnés, et une heure après, il avait reçu les adieux de Blanche et de sa famille. Qu'ils sont longs et cruels ces derniers embrassements d'un départ qui n'aura peut-être pas de retour. Comme on regrette alors de ne pas avoir savouré chaque instant que l'on avait à passer ensemble. Avec quel transport d'amour, celui qui s'éloigne, ne presse-t-il pas entre ses bras les objets adorés qu'il est forcé d'abandonner? Et lorsqu'enfin il les a quittés, combien de fois encore ne détourne-t-il pas la tête pour répondre aux signaux de son ami et rendre à sa mère les baisers qu'elle lui envoie? Olivier suivait, triste et pensif, les bords délicieux de la Loire, absorbé dans sa douleur, il avançait sans presser ni ralentir les pas de son cheval. Tout à coup, il croit s'entendre appeler. Il s'arrête, son nom, répété par une voix forte, arrive une seconde fois jusqu'à lui. Il se retourne, car le son de cette voix ne lui est pas inconnu. Un cavalier accourait à toute bride. Plus il le regarde, plus il croit le reconnaître. Bientôt il n'a plus de doute, c'est Dervilly qui le rejoint. Dervilly qui saute à bas d'un cheval ruisselant de sueur et presse son ami entre ses bras. « Blanche est arrêtée !» sont les premiers mots qu'il prononce, et la foudre, tombée aux pieds d'Olivier, ne l'eût point frappé d'un coup plus affreux. « Blanche est arrêtée ! » s'écria-t-il avec un accent terrible. « Voilà donc de quel but on m'éloignait ?» Dervilly, continua-t-il en serrant le bras de son ami avec un mouvement de rage. « Il faut retourner, à l'instant même à Nantes, car ma vie, mon bonheur, mon avenir, tout est là. » Son visage s'était couvert du pourpre le plus foncé, ses dents se froissaient avec violence, tout son corps était agité d'un mouvement convulsif. « Qu'il tremble, celui qui a osé attenter à la liberté de Blanche. Sais-tu bien, Dervilly, que je l'aimais de toutes les forces de mon âme, qu'il n'est plus pour moi d'existence possible sans elle, que je veux mourir ou la sauver ?» En achevant ces mots, il s'élança sur son cheval. Dervilly était déjà remonté sur le sien. Tous deux reprirent au galop le chemin qu'ils venaient de parcourir. Une heure après, ils étaient à Nantes. Il n'y avait pas un instant à perdre. Ce fut donc vers la maison qu'habitait Carrier que les deux amis dirigèrent leur course. Lorsqu'ils y furent arrivés, Olivier se jeta bas de son cheval, prit machinalement les pistolets qui se trouvaient dans ses fontes, les cacha sous son habit, et s'élança vers l'appartement de celui qui tenait entre ses mains le destin de Blanche. Derville le suivit plus froidement, quoique prêt cependant à défendre son ami s'il avait besoin de secours et à risquer sa vie avec autant d'insouciance que sur le champ de bataille. Mais le député de la montagne était trop exécré pour n'être pas défiant. Aussi lâche qu'il était cruel, il tremblait toujours que le poignard d'un généreux assassin ne l'atteignît à travers le triple rang de gardes qui veillait à sa porte, et les deux généraux firent de vains efforts pour parvenir jusqu'à lui. Olivier descendit plus tranquillement que ne l'aurait pensé Dervilly. Depuis un instant, il paraissait avoir adopté un nouveau projet qu'il mûrissait à la hâte, et son ami ne douta plus qu'il ne s'y fût arrêté lorsqu'il le pria de se rendre à l'instant à la poste et de revenir l'attendre à la porte de la prison avec des chevaux et une voiture. Le nom et le grade d'Olivier lui ouvrirent l'entrée de ce triste séjour où gémissent ensemble le crime, la vertu, l'innocence et le désespoir. Il ordonna au geôlier de le conduire à la chambre où Blanche était enfermée. Celui-ci hésita un instant. Olivier répéta son ordre d'un ton plus impératif et le concierge obéit en lui faisant signe de le suivre. « Elle n'est pas seule, » dit son conducteur en ouvrant la porte d'un cachot dont l'obscurité fit tressaillir Olivier. « Mais elle ne tardera pas à être débarrassée de son compagnon, on le guillotine aujourd'hui. » À ces mots, il referma la porte sur Olivier et s'éloigna en l'engageant à abréger autant que possible une entrevue qui pouvait le compromettre. Encore ébloui de son passage subi du jour à la nuit, Olivier cherchait de quel côté il devait diriger ses pas. Mais les yeux de Blanche, déjà habitués aux ténèbres, l'avaient reconnu, et la jeune fille s'élança dans ses bras, en poussant un cri de joie et d'espérance. « Ah, vous ne m'avez donc pas abandonné ? » s'écria-t-elle en se pressant contre lui, tremblante d'effroi. « Une seconde fois, vous venez m'arracher la mort. Olivier, dans quels affreux moments sommes-nous toujours destinés à nous rencontrer, et dans quelle épouvantable demeure nous retrouvons-nous aujourd'hui ?»« Oui, épouvantable, » murmura Olivier, dont les yeux commençaient à distinguer au sein des ténèbres et se portaient alternativement sur toutes les parties du cachot. « Épouvantable. Et cependant, je ne puis t'en arracher à l'instant même. » Blanche jeta un cri. « Olivier, suis-je donc destiné à mourir ici ? » s'écria-t-elle d'une voix déchirante. « Non, non, c'est impossible. Un tel supplice n'est réservé que pour les criminels. Mon ami, dites-moi que j'en sortirai bientôt. » « Oui, » répondit Olivier. « Je crois pouvoir vous le promettre. Mais à votre tour, Blanche, répondez à une question, de laquelle dépendent peut-être et votre vie et la mienne. Dans des temps plus heureux, j'ai pensé qu'il existait entre nos cœurs quelque sympathie. Peut-être ai-je mal lu dans vos yeux, mais j'ai cru quelquefois y découvrir un sentiment plus tendre que la reconnaissance. Blanche, rappelez ces temps à votre mémoire et répondez à la demande que je vais vous faire, car je vous le répète, elle décidera de votre vie et de la mienne. Blanche, m'aimez-vous ? » Est-ce le moment de répondre à une telle question ? Murmura d'une voix tremblante la jeune Vendéenne. Y croyez-vous que ces murs soient habitués à entendre des aveux d'amour ? Oui, c'est le moment, s'écria Olivier avec une émotion croissante, car nous sommes entre la vie et la tombe, entre l'existence et l'éternité. Blanche, je te le répète, et un frivole intérêt ne dicte pas mes paroles. Et pour moi, comme tu répondras à Dieu, Blanche, m'aimes-tu ? Oh oui ! Ces mots s'échappèrent du cœur de la jeune fille, qui, oubliant qu'on ne pouvait apercevoir sa rougeur, cacha aussitôt sa tête dans le sein d'Olivier. « Eh bien, Blanche, » reprit-il en la serrant avec transport contre son cœur, « il faut, aujourd'hui, à l'instant même, que tu m'acceptes pour époux. » Elle tressaillit. « Olivier, vous m'étonnez. Quel peut être votre dessein ? Mon dessein est de vous arracher à la mort. » « Nous verrons, » ajouta-t-il en relevant fièrement la tête, « nous verrons s'ils osent envoyer à l'échafaud l'épouse d'un général républicain. » Blanche comprit alors toute sa pensée. Elle frémit du danger auquel il s'exposait pour la sauver. Son amour en acquit une nouvelle force, mais, rappelant son courage, « c'est impossible, » dit-elle avec fermeté. « Impossible ?» interrompit Olivier avec étonnement. « Impossible ? Blanche, quel mot est sorti de ta bouche ? Impossible ? Et quel obstacle peut donc s'élever entre nous et le bonheur, puisque tu viens de m'avouer que tu m'aimes ? Tu veux quitter la vie, et la vie peut encore t'offrir des torrents de félicité. Oh, Dieu m'est témoin, reprit Blanche, que cette vie m'est bien chère. À peine si j'en ai savouré les premiers instants, et toujours, elle m'est apparue brillante d'espérance et de bonheur. Oui, Olivier, la vie m'est bien chère, mais tu m'es encore plus chère que la vie. Voilà donc, reprit Olivier, le motif qui te fait rejeter la seule voie de salut qui nous soit ouverte. Eh bien, écoute-moi, Blanche, car à mon tour, j'ai des aveux à te faire. Du premier moment que je t'ai vue, je t'ai aimée. Chaque jour, cette passion a pris de nouvelles forces. Elle s'est emparée de mon esprit, de mon cœur, de tout mon être enfin. Maintenant, elle fait partie de mon existence. Ma vie est la tienne, mon sort est le tien. Bonheur ou échafaud, je partagerai tout avec toi. Je ne te quitte plus. Nulle puissance humaine ne pourra nous séparer, car je n'ai qu'à dire un mot, et la tombe, où tu dois descendre seule, s'ouvrira pour nous dévorer tous deux. Maintenant, Blanche, réponds-moi, m'acceptes-tu pour époux ? Oh non, non, je ne puis y consentir, s'écria-t-elle. Moi, j'attirerai sur ta vie les malheurs qui accablent la mienne. Je n'irai mes jours proscrits à tes jours, que nul danger ne menace et que la gloire environne. Je t'entraînerai avec moi sur l'échafaud, où peut-être bientôt j'irai porter ma tête. Non, non, je te le répète une seconde fois, c'est impossible. Tu me refuses, reprit Olivier avec une douleur concentrée. Mon amour et mes larmes n'ont pas le pouvoir de te fléchir. Eh bien, continua-t-il en se précipitant à ses pieds, par les cheveux blancs de ton père, qui déjà pleure ton absence et qui bientôt pleurerait ton trépas, par la tombe de celle à qui tu dois la vie, par tout ce qu'il y a de sacré sur la terre et dans les cieux, je t'en conjure, une dernière fois encore, Blanche, consens à notre hymen, tu le dois. Oui, tu le dois, jeune fille, interrompit une voix étrangère, tu le dois, car c'est le seul moyen de conserver une vie qui commence à peine. La religion te l'ordonne, et moi je suis prêt à bénir votre union. Olivier, étonné, se retourna vivement et reconnut le prêtre, qui faisait partie du rassemblement qu'il avait attaqué dans le bois de la Rebaudière. « Oh, mon père » s'écria-t-il en saisissant sa main avec empressement. « Oh, mon père, unissez vos prières aux miennes, obtenez d'elle qu'elle consente à vivre. »« Blanche de Beaulieu, » reprit le prêtre avec un accent solennel, « au nom de ton père, que mon âge et l'amitié qui nous unissaient me donnent le droit de représenter, je te conjure, de céder aux instances de ce jeune homme, car son amour est pur et ses intentions sont sacrées. » Blanche semblait agitée de mille sentiments contraires. Enfin, elle se jeta dans les bras d'Olivier. « Oh, mon ami, lui dit-elle, je n'ai pas la force de te résister plus longtemps. Mon cœur est si bien d'accord avec tes désirs. Olivier, je suis ton épouse. » Olivier était au comble de la joie. Il semblait avoir tout oublié. La voix du prêtre l'arracha bientôt à son extase. « Hâtez-vous, mes enfants, car mes instants sont comptés ici-bas, et si vous tardiez encore, je ne pourrai plus vous bénir que des cieux. » Les deux amants tressaillirent, cette voix les rappelait sur la terre. Blanche promena autour d'elle ses regards effrayés. « Oh, mon ami, dit-elle, quel moment pour unir nos destinées, quel temple pour un hymen. Une union sacrée, sous ses voûtes sombres et lugubres, peut-elle être une union durable et fortunée ?» Olivier frissonna, car lui-même était atteint d'une terreur superstitieuse dont il n'était pas le maître. Il entraîna Blanche vers un endroit du cachot où le jour glissant à travers les barreaux croisés d'un étroit soupirail rendait les ténèbres moins épaisses, et là, tombant tous deux à genoux aux pieds du ministre des autels, ils le supplièrent de bénir leur serment. À peine avait-il prononcé les paroles sacrées qu'un bruit d'armes et de soldats se fit entendre dans le corridor. Blanche, effrayée, se jeta dans les bras d'Olivier. « Serait-ce déjà moi qu'ils viennent chercher ? Oh, mon ami » s'écria-t-elle. « En ce moment, combien la mort me serait affreuse !» Le jeune officier s'était précipité au-devant de son épouse, prêt à disputer chèrement sa vie. Les satellites étonnés reculèrent. « Rassurez-vous !» leur dit le prêtre en s'élançant entre eux. « C'est moi qui vais mourir !» Les soldats l'entourèrent. « Enfant !» s'écria-t-il d'une voix forte, en s'adressant aux jeunes époux. « Enfant, un genou !» Car un pied sur la tombe, je vous envoie ma dernière bénédiction, et la bénédiction d'un mourant est sacrée. » Blanche et Olivier s'étaient prosternés. Les soldats, étonnés, gardaient le silence, et le prêtre, étendant vers eux un crucifix qu'il avait jusque-là tenu caché dans sa poitrine, appelait sur leur tête la protection du ciel. Mais bientôt les gardes l'entraînèrent, et du seuil du cachot dont il était prêt à franchir la porte, il leur envoya encore des paroles d'espérance et de paix. Enfin, elle se referma. Tout disparut comme une vision nocturne. Le bruit des pas s'éloigna peu à peu, puis cessa tout à fait, et les ténèbres, un instant dissipées, revinrent de nouveau envahir leur domaine. Blanche et Olivier se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Ils se tenaient encore embrassés lorsque le joaillier entra. Il fallait se quitter. Chaque instant devenait précieux. Le jeune officier avait promis à Blanche qu'il serait de retour avant la fin de la troisième journée. « Aime-moi toujours !» lui cria Olivier en s'éloignant d'elle. « Toujours !» répondit Blanche en lui montrant la rose rouge dont elle s'était parée comme au jour de son bonheur, et la porte terrible, en se refermant sur eux, sembla murmurer, comme celle de l'enfer, ici plus d'espérance. Olivier trouva son ami qui l'attendait chez le concierge. Il demanda de l'encrer du papier. « Que vas-tu faire ?» lui dit Dervilly, effrayé de son agitation. « Écrire à Carrier, lui demander 3 jours, lui dire que sa vie me répond de la vie de Blanche. « Malheureux !» reprit Dervilly, lui arrachant la lettre commencée. « Tu menaces, et c'est toi qui es en sa puissance. N'as-tu pas désobéi à l'ordre que tu avais reçu de rejoindre l'armée ? Crois-tu que, te redoutant une fois, ses craintes s'arrêteront même à chercher un prétexte plausible ? Avant 1 heure, tu serais arrêté. Que pourrais-tu alors, et pour elle, et pour toi ? Crois-moi que ton silence provoque plutôt son oubli, car c'est son oubli seul qui peut la sauver. » La tête d'Olivier était retombée entre ses mains. Il paraissait réfléchir profondément. « Tu as raison, » s'écria-t-il en se relevant tout à coup. « Partons. » La voiture les attendait. Il s'y lança. « Paris, » dit-il au postillon en lui donnant de l'or. Et les chevaux partirent avec la rapidité de l'éclair. Partout, même diligence, partout, à force d'or, Olivier obtint la promesse que les chevaux seraient préparés pour la journée du surlendemain et que nul obstacle n'entraverait son retour. Ce fut pendant ce voyage qu'il apprit comment son ami l'avait rejoint si heureusement sur les bords de la Loire, tandis qu'il le croyait au fond de la Vendée. Dervilly, fatigué d'une guerre où il ne voyait aucune gloire à acquérir, avait donné sa démission. Cependant, pour seule faveur, d'être employé comme simple soldat à une autre armée, il avait donc été renvoyé à Paris pour être mis à la disposition du comité de salut public. Il arriva à Nantes au moment même où Blanche venait d'être arrêtée, et cet événement l'avait décidé à courir sur les traces de son ami. Le lendemain, à 10 heures du matin, la voiture entrait dans les murs de Paris. Ils avaient fait 91 lieues en 20 heures. Olivier se fit conduire chez Robespierre. Son rang et son nom lui ouvrirent sans retard les portes de l'hôtel qu'habitait ce niveleur sanguinaire, idole du moment, qui bientôt, à son tour, devait porter sa tête aux hôtels qu'il dressait chaque jour sur les places publiques. Le chef de la montagne était trop adroit pour se faire inutilement un ennemi aussi puissant qu'Olivier. Que lui importait l'existence ou la mort d'une obscure jeune fille ? Son trépas n'ajoutait rien à sa puissance. Sa vie pouvait lui faire un partisan. Il n'eut point de peine à accorder la mise en liberté que sollicitait le jeune général, et bientôt Olivier se trouva possesseur du précieux papier qui lui payait de la dernière goutte de son sang. Il se précipita sur l'escalier. Dervilly montait en même temps qu'il en descendait. « J'ai sa grâce » s'écria-t-il en se jetant dans ses bras. « J'ai sa grâce, Blanche est sauvée !»« Félicite-moi à mon tour !» lui répondit son ami. « Je viens d'être nommé général en chef de l'armée des Alpes, et du moins le sang que je ferai couler n'éveillera ni mes larmes, ni mes remords. » Ils s'embrassèrent une seconde fois, et Olivier s'élança dans la voiture qui l'attendait à la porte, prêt à repartir avec la même vitesse. De quel poids son cœur était soulagé, que de bonheur l'attendait, que de félicité après tant de douleurs. Son imagination avide plongeait dans l'avenir. Il voyait le moment où, du seuil de son cachot, il crierait à son épouse « Blanche, tu es libre, libre par moi, viens, Blanche !» et que ton amour acquitte la dette de ta vie. De temps en temps, cependant, une inquiétude vague traverse son esprit. Un tressaillement subit frappe son cœur. Alors il excite les postillons, promet de l'or, le prodigue, en promet encore. Les roues brûlent le pavé, les chevaux dévorent le chemin. Et cependant, ils vont trop lentement au gré de son impatience. Partout, les relais sont préparés, point de retard, tout semble partager l'agitation qui le tourmente. En quelques heures, il a laissé derrière lui Versailles, Chartres, Le Mans, La Flèche. Il apercevrait Angers si les ombres de la nuit ne dérobaient cette ville à ses regards. Tout à coup, il éprouve un choc terrible, épouvantable. La voiture renversée se brise. Il se relève meurtri, sanglant, sépare d'un coup de sabre les traits qui attachent l'un des chevaux, s'élance rapidement sur lui, gagne la première poste, y prend un cheval de course et continue avec plus de vitesse encore. L'aurore paraît. Il a traversé Angers. Il aperçoit Ingrande, atteint Barade, dépasse Ancenis. Son cheval ruisselle d'écume, de sueur et de sang. Qu'importe, il découvre Saint-Donatien, puis Nantes. Nantes qui renferme son âme, sa vie, son avenir. Quelques instants encore, il sera dans cette ville. Il en atteint les portes. Il est arrivé. Là, malgré lui, sa course est ralentie. La foule se presse dans les rues qui environnent la grande place. Il parvient avec elle. L'échafaud est dressé. Une nouvelle victime tombait sous la hache révolutionnaire. Le bourreau, saisissant par ses longs cheveux blonds la tête d'une jeune fille, présentait au peuple ce hideux spectacle. La foule épouvantée se détournait avec effroi, car elle croyait voir cette tête vomir des flots de sang. Tout à coup, un cri de rage, de désespoir, un cri dans lequel semblaient s'être épuisées toutes les forces humaines, se fait entendre. Olivier venait de reconnaître entre les dents de l'infortuné la rose rouge qu'il avait donnée à la jeune Vendéenne. Ainsi s'achève Blanche de Beaulieu par Alexandre Dumas.